J'suis comme un autre. Ouais, j'suis comme un autre. Ouais, j'suis comme un autre. Si j'me chauffe trop, j'fais des soleils. Ouais, j'suis comme un autre. À croire que j'fais de l'ombre au soleil. Qu'est-ce qu'il y a, détends-toi. Ouais, j'te parle franco. Pourquoi tu me joues le Django? J'm'en fous que t'aies les bras à Rambo. Je regarde pas où je vais, je regarde ce que je vaux. Je veux rouler en féfé, faire rupter les 400 chevaux. Je prends de l'alcool, je fais TB. Je vois ma tête à la télé. Dis-moi, on s'aime ou on s'aimait. Moi, je vois plus d'amour, mon bébé. T'es la famille, t'es le Sancho. Mais me teste pas, j'ai le sang chaud. J'ai des amis, c'est des barjots. Qu'on fait des mois au cachot. Y'a du joule dans la bago. Roule un pet, ne parle pas trop. Et vas-y, bouge ton boule. Quitte à te faire un limbago. J'fais des sons de dingo. Trois disques d'or, j'peux faire un lingo. Deux, trois verres, j'pars en impro. J'aime les gens, mais ils me feignent trop. J'suis comme un homme. Si j'me chauffe trop, j'fais des soleils. Ouais, j'suis comme un homme. À croire que j'fais de l'ombre au soleil. Ouais, j'suis comme un homme. Si j'me chauffe trop, j'fais des soleils. Ouais, j'suis comme un homme. À croire que j'fais de l'ombre au soleil. Moi, c'est dur, tu me reconnais. Celui qui a tout niqué en ND. Même de dos, on me reconnaît. Même derrière les vitres teintées. J'ai connu la chienté. Alors j'ai côtoyé le Sende. Ils sont jaloux et trop simples. Alors ils te diront tu blindé. Faut tout niquer, faut profiter. Te diront les profiteurs. Moi y'a tout pour me guider. Me faire ignorer les critiqueurs. J'ai le cœur c'est un tangue. Il vaut plus cher qu'une banque. Faut pas le fou, faut pas l'étrange. Attention les petites tangues. J'suis comme un homme. Si j'me chauffe trop j'fais des soleils. Ouais, j'suis comme un homme. À croire que j'fais de l'ombre au soleil. Ouais, j'suis comme un homme. Si j'me chauffe trop j'fais des soleils. Ouais, j'suis comme un homme. À croire que j'fais de l'ombre au soleil. J'suis comme un homme. Si j'me chauffe trop j'fais des soleils. Ouais, j'suis comme un homme. À croire que j'fais de l'ombre au soleil. Ouais, j'suis comme un homme. Si j'me chauffe trop j'fais des soleils. Ouais, j'suis comme un homme. À croire que j'fais de l'ombre au soleil.